Le philosophe Favorinus dit un jour à un jeune homme qui recherchait les termes anciens et qui, dans la conversation, employait des mots surannés et par cela même très inconnus, « Curius, Fabricius, Corum Canius, ces premiers héros de la République, les trois Horaces, bien plus encore, parlaient à leurs contemporains en termes clairs et intelligibles. Ils parlaient la langue de leur temps. Mais toi, tu te sers de mots tombés en désuétude depuis plusieurs siècles, sans doute pour que personne ne puisse ni te comprendre, ni t'entendre. Jeune fou, tais-toi, tu parviendras à ton but bien plus vite. Tu prétends que l'Antiquité te plaît pour sa probité, pour sa tempérance, sa modération. Eh bien, forme tes mœurs sur celles des anciens et parle la langue de ton époque. Grave profondément dans ta mémoire le précepte de Caius César, cet esprit supérieur et juste qu'il a examiné dans le premier livre de son traité sur l'analogie. Fuir une expression étrange et inusitée comme un évite un écueil.